on est à 1200 par mois, on peut investir comme on veut, on sera jamais millionnaire. Ouais, mais il faut peut-être se bouger derrière autrement pour essayer de monter, essayer de gagner plus, apprendre, se former. Il faut avoir la volonté, il faut avoir envie de changer les choses, d'avoir quelque chose en plus pour soi dans la vie.